C'est sous le pont du bois de chêne que son petit corps putréfié gît depuis quelques semaines, impossible à identifier. C'est sous ce pont du bois de chêne qu'elle rendit son dernier soupir. Pourtant nous passions par centaines sans prendre le temps de ralentir. Pourtant le pont du bois de chêne n'est pas perdu dans la nature. Distant de quelques mètres à peine, d'où passent des milliers de voitures. Alors pourquoi aujourd'hui personne ne veut la voir pourrir? Nous étions des milliers ce jour-là, juste à la regarder mourir. Nous étions quelques importants, quelques humains passant par là, aveuglés nous disqualifiant, à nous dire qu'elle ne sauterait pas, à trouver mille et une raisons pour ne pas lui porter secours. Jouer les héros ce serait con, je suis déjà très à la bourre. Oui mais voilà, demain matin, en feuilletant le journal du jour, nous serons quelques crétins à trouver notre ego trop lourd. Lisant ces lignes assassines dans la rubrique des faits divers, nous apprendrons que la gamine avait osé se foutre en l'air. C'est sous le pont du bois de chêne qu'elle rendit son dernier soupir. Pourtant nous passions par centaines sans prendre le temps de ralentir. Nous sommes pourtant quelques milliers à passer par là chaque jour, mais l'indifférence nous met un peu plus en retard chaque jour. Qu'elle rendit son dernier soupir. Pourtant nous passions par centaines sans prendre le temps de ralentir.